Ça c'est ton micro, c'est toi, c'est ton entrée. Donc, tu rentres, tu joues à peu près à moins 12 quand tu joues normalement. Ah ouais. Donc là on était trop bas. Ouais. On peut monter encore. Mais je crois que c'est en local, c'est ce que tu entends dans le micro, ça je crois plutôt. Tu t'entendais bien dans le. Voilà, non, après tu entendais plus. Hein j'ai, quand t'as monté, j'ai pas entendu plus dans le micro. Hein. Non. Tellement l'audio en plus avec. On va essayer. Si, c'est mieux. Je m'entends, je fais. C'est mieux? Je l'ai presque mis à fond. Là, il est à fond. Là. Hein? Le temps que ça m'arrive. Si tu entends pas assez les autres, hein. Donc, on va sur cela, par exemple sur le mien. Mm-hmm. Tu peux. Alors, t'as pas. Après, moi je t'entends déjà. Tu m'entendais, le niveau était bien, quoi. Mm-hmm. Voilà. Après, tu peux le monter, quoi, le volume, pareil des autres. D'accord. Et donc là, j'ai deux. Il y a deux canaux, donc je peux mettre la batterie d'un côté et puis mon piano de l'autre pour que tu puisses régler différemment le son. Ça. Et du coup, on peut, si on se parle, enfin moi si je parle par exemple, tu vas m'entendre. Ouais, mais tu vois, avec. Alors là, c'est une loupe de 4 mesures, mais quand t'as une loupe qui fait une mesure, je t'entends 10 minutes après quoi. Ah oui, oui. Non, faut pas parler. Dès que tu veux parler, tu vas dans le chat quoi. Le but, là c'est en direct par contre. Chat c'est en direct. Hein. Moi je t'écris un peu. Ok. Et c'est. Ouais, d'accord. Après, dès que tu veux me dire un truc en direct, il faut passer par là, quoi. Ouais. Et après, si tu veux parler, tu as une fonction qui est en micro, mais ça marche, hein, tu vois, il marche direct. Hein. T'as rien à faire. Attends, t'as pas le micro, je vais te faire un truc. Peut-être ça, ouais, si, c'est ça. Ça se présente juste différemment. Et donc là, par contre, c'est un micro. Donc là, c'est une très mauvaise qualité, mais ça coupe le direct. Donc là, il ne l'enregistre plus sur le serveur. Il envoie en direct tout ce qu'il reçoit, quoi. Ah oui. Donc, là, c'est pour parler. Voilà, aussi, si on veut se parler. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Ouais, le principe, c'est surtout de comprendre la loupe, quoi. Parce que c'est vrai que les gens qui démarrent là-dessus, ils débarquent, ils savent qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils jouent comme des brutes. Et il n'y a personne qui peut jouer avec eux. Parce que si tu respectes